Jean Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres. Notre confrère correspondant Dola de Tchevele se trouve sur le sol burundais après son extradition de la République démocratique du Congo, où il avait été arrêté depuis mercredi dernier. Il a été remis à la police burundaise par les autorités congolaises. Les autorités burundaises annoncent sa relaxation. Les leaders des associations de la société civile en exil rencontreront dès demain le médiateur Kaguta Museveni pour un briefing sur la crise burundaise. Gabriel Rufyiri, en de cela, dit qu'ils lui demanderont d'insister auprès du gouvernement de Bujumbura pour qu'il ne change pas la constitution. Et puis, un élève du lycée Makamba a reçu ce week-end le premier prix dans un concours de dissertation organisé par l'EAC. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour ou rebonsoir, le journaliste et correspondant de la radio allemande de Tchevele, Antedi Testeniragira, est dans la main de la police burundaise depuis ce lundi après un séjour en RDC. Il a été remis par les autorités congolaises après avoir été arrêté mercredi dernier dans ce pays pour espionnage, une accusation rejetée par la radio allemande pour laquelle il travaille. Antedi Testeniragira pourra être libre à partir de ce mardi, selon les sources recueillies auprès de la police burundaise. Les leaders des associations de la société civile, des confessions religieuses, des femmes et des jeunes vivant en exil vont se rencontrer ce mercredi à Entebbe en Ouganda. Et c'est pour une session de briefing. Le président de l'association qui lutte contre les marginalisations économiques, Olicom, dit qu'il va participer à cette session et qu'il va demander, entre autres, au médiateur d'user de son influence pour empêcher au gouvernement burundais de changer la constitution avant la fin du dialogue extérieur. On l'écoute. Nous allons donner nos points de vue sous forme de 4 points. Le premier point, c'est par rapport au rapport que la médiation a transmis au chef d'État de l'EAC. Nous allons écouter le médiateur et donner notre point de vue par rapport donc à ce rapport. Deuxièmement, nous allons demander qu'il y ait des résolutions de préalable pour que tout soit fait dans les meilleurs délais. Ces préalables sont entre autres que la société civile soit associée dans tout le processus du dialogue, surtout que la société civile joue le rôle de vigilance citoyenne. Donc nous voulons dans ce dialogue que la société civile soit la troisième partie incontournable qui doit avoir de la parole et être associée dans le mécanisme de suivi des conclusions de l'accord. La deuxième chose que nous allons demander, c'est qu'il y ait l'abandon de la modification de la Constitution, surtout tout ce qui concerne les mandats présidentiels, en attendant que le dialogue soit clôturé fin juin. Mais aussi, nous allons demander à ce que les lois qui sont en train d'être modifiées, entre autres le code de procédure pénale, pour autoriser les fouilles et perquisitions pendant la nuit sans mandat, soit aussi suspendu en attendant donc que tous les concernés puissent en dire un mot. La troisième chose que nous comptons dire, c'est par rapport à la misère qui guette les Burundais. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, qui promet d'encourager le médiateur à clôturer le dialogue extérieur au mois de juin, comme on l'avait promis. Au cas contraire, Gabriel Rufyiri estime que c'est la population qui va continuer à souffrir. L'Olicom a toujours l'espoir. On ne désespère jamais et nous pensons que s'il y a volonté, même 2 semaines, en tout cas le programme qu'il a donné, c'est clair que fin juin, le dialogue va être clôturé parce que ce qu'on négocie, tout le monde connaît. Nous pensons que une fois que ces préalables sont acceptés, le médiateur pourra vraiment contribuer. Mais le problème que nous avons actuellement, ce sont les intérêts des individus. Ici, je voudrais vous dire qu'il y a un proverbe kirundi qui dit que ibyago iyo bitaguhikanye biraguhitaniza pour FDR que tanda de problème. Il y a déjà qui en profite. La raison pour laquelle il faut que le médiateur et la facilitation décortiquent tous ces obstacles parce qu'il y a déjà qui sont en train de faire le commerce. Au-dos des problèmes burundais, nous voulons que 12 millions de citoyens soient considérés. La raison pour laquelle fin juin, l'ORICOM va tout faire et va tout dire pour que le dialogue soit clôturé fin juin. Et c'est possible, je suis sûr, si tous les efforts sont consentis. Gabriel Ruftiri au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un emprisonnement à vie est le réquisitoire du procureur de Karoussi pour Bigirimana Jean-Marie, accusé d'avoir assassiné son frère avec préméditation le matin de dimanche passé en commune de Mutumba. C'était ce lundi soir dans un procès de flagrance et l'accusé n'en nie pas avoir commis ce forfait. La sentence est attendue vendredi. Blaise Pascal Kararoumi. Bigirimana Jean-Marie est accusé par le parquet de Karoussi d'avoir assassiné avec préméditation son frère Dieudonné Yamoulemié le dimanche passé pendant la journée. Ainsi, lors du procès de flagrance de ce lundi après-midi au tribunal de grande instance de Karoussi, le procureur de la République a demandé une sanction d'emprisonnement à perpétuité pour ce Bigirimana Jean-Marie. Celui-ci n'a pas nié qu'il a tué ce dimanche son petit frère Dieudonné Yamoulemié à coups de machette et a demandé que le tribunal lui accorde un pardon en l'emprisonnant pendant 5 ans. Le procureur a expliqué que le fait de donner est victime des conflits fonciers en indiquant que même le procès de ce conflit qui les opposait se trouve au tribunal de grande instance de Karoussi. Il signale que ce Dieudonné avait saisi des instances judiciaires pour que son grand frère Bigirimana lui donne des propriétés au nombre de cette que Bigirimana avait acheté pour le compte de Dieudonné à partir de l'argent qu'il lui avait confié. Cela est même confirmé par leur famille, dont les parents, les sœurs et les frères, et tous étaient présents au tribunal. Après une heure d'audition, le tribunal de grande instance a mis en délibéré le procès et a communiqué que le procès sera prononcé vendredi prochain en date du 26 mai. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Et la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole organisée la semaine passée dans la province de Bouvanza a été émaillée de beaucoup d'irrégularités. C'est notamment les ruptures de stock et la campagne a dû être prolongée jusqu'hier lundi. Beaucoup d'enfants sont rentrés sans être vaccinés suite au manque de vaccins, comme le rapporte notre correspondante Space Caritas Cavagnana. Cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui a commencé lundi de la semaine passée devrait être clôturée vendredi, mais suite à beaucoup d'irrégularités et de réussites de stock, elle a été prolongée jusque ce lundi. Même ce lundi, beaucoup d'enfants sont retournés chez eux sans être vaccinés, surtout les écoliers de moins de 15 ans, comme nous l'avons remarqué en commune Gihanga. Et c'est le même cas dans d'autres communes, selon les administrateurs qui participaient dans une réunion de sécurité ce mardi. Au niveau du district sanitaire de Bouvanza, composé des communes de Musigati et Bouvanza, la population attendue était estimée à 85 850 personnes à vacciner et 85 500 enfants ont été vaccinés, du moins selon les rapports provisoires disponibles au district sanitaire. Le médecin directeur de la province sanitaire de Bouvanza indique qu'ils ont transmis le rapport au ministère à propos des irrégularités de cette campagne. Docteur Joël Bigirimana précise également que les vaccins qui sont restés dans d'autres provinces devront être collectés et acheminés vers Mouvanza afin que toute la population cible soit vaccinée. Cette qualité Kavanyana, Mouvanza, Radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, la ministre en charge de l'énergie recommande aux sociétés exécutant les projets d'assainissement et d'adduction d'eau en eau potable dans trois villes du nord du pays de terminer les travaux d'ici 100 jours. En descente sur le site de forage d'eau de Gassourou en commune Gassouroué hier lundi, comme Manirakiza a précisé que le retard des travaux cause également un retard du financement de la BAD, la Banque africaine de développement, deuxième phase dans tous les cinq pays de l'EAC concernés par ce vaste programme. Dieudonné Nzeyimana. Pour se rendre compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes d'assainissement et adduction d'eau en faveur des habitants de la ville de Muyinga, le ministre en charge de l'eau et énergie a visité certains endroits ce lundi. C'est notamment le site de transformation des déchets ménagers en fumière organique en cours d'aménagement à Tchumba, en commune Muyinga, un réservoir d'eau d'une capacité de 1500 mètres cubes à Mukoni ou encore le site de forage d'eau de Gassuru en commune Gassogwe. Sur ce site, les ingénieurs de terrain pour le compte de la société Sogea Satom exécutant le projet d'addiction d'eau vers la ville de Muyinga ont indiqué que les travaux suivent le cours normal. Pourtant, les pompes d'aspiration de l'eau ne sont pas encore sur place. Sans contrainte de transport, le matériel restant pourra être disponible pour achever les travaux dans 20 jours à venir, d'après les superviseurs de travaux. Pour Komemani Rakiza, ministre en charge de l'eau, pas d'alibi, les travaux sont à achever dans les délais de 100 jours. Le retard du lancement de la deuxième phase de ce programme dans les 5 pays de l'EAC, d'après son ministre, précisant que la Banque africaine de développement qui a financé ce vaste programme en faveur de 3 villes pour chaque pays, ne peut pas débloquer la tranche de la deuxième phase sans que les travaux ne soient terminés dans tous les pays. Vous savez que ce programme est encore exécuté dans les villes d'Ngozi et Kayanza et les travaux devraient être terminés en avril dernier. Dieudonné Zeimana, Domoinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Un climat tendu règne au sein des dirigeants de la colline Muhanda, commune et province Rumonge. Une soixantaine de personnes autour du chef adjoint de cette colline viennent d'adresser une correspondance à l'administrateur de Rumonge pour exiger le limogeage du chef collinaire, l'accusant de plusieurs manquements, dont la dislocation des ménages. Célestin Nitang, administrateur de Rumonge, dit avoir reçu ladite lettre et parle plutôt d'une politique « doute-toi que je m'y mette » pratiquée par l'adjoint qui risque d'emporter toute l'équipe. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'élève Iroquois Yotit du lycée Makamba a reçu le premier prix de composition qu'il a choisi de rédiger en Swahili au niveau de la communauté est-africaine. C'était ce samedi 20 mai à marge du 18e sommet des chefs d'État de l'EAC et c'est une grande satisfaction, dit-il, pour lui, son lycée ainsi que pour le pays. Jusqu'à maintenant, moi je suis fier concernant ma certification que j'ai appris là en Dar es Salaam. Être premier, vous n'avez pas eu de problème lors de votre composition? Oui, nous avons rencontré beaucoup de problèmes concernant la langue. C'est une langue étrangère. Moi, comme les autres élèves, je ne suis pas capable de parler le swahili, mais j'ai essayé d'écrire en swahili. Vous avez essayé d'écrire en swahili alors que ce n'est pas votre langue maternelle. Quel appel pour d'autres élèves? Je peux conseiller mes camarades qu'il faut travailler en conséquence. Travailler, il ne faut pas avoir peur. Puisque maintenant, nous, les Barundais, nous sommes forts. Nous avons une notion en swahili, nous avons une notion en français, nous avons une notion en anglais, nous avons une notion en kimundi. Donc, éducation burundaise est assez. C'est un honneur, renchérit le directeur du lycée Makamba. André Ninahazé appelle plutôt d'autres élèves et établissements à participer à de telles compétitions. Il nous parle d'abord du thème de la dissertation. Cette composition avait pour thème de parler les avantages et les inconvénients qui peuvent arriver dans notre communauté East African Community, s'il peut dire les nouveaux pays partenaires. Lorsque nous avons eu le thème, nous avons interpellé nos élèves de faire cette composition. Il y avait ceux qui avaient dans la langue française, dans la langue anglaise, la langue swahili. Et celui qui a fait dans la langue swahili a été retenu et il a été le premier. Une satisfaction pour vous, quel appel pourrez-vous lancer à d'autres établissements, à d'autres élèves pour qu'ils puissent réussir à d'autres dissertations? Que tous les élèves de notre pays puissent participer aux différents championnats qui peuvent être organisés. Surtout cette composition est de l'EAC. Mais les autres pays n'ont pas compris pourquoi au Burundi a pu faire une composition en Kiswahili et arriver à être premier, avoir Kenya qui parle Kiswahili, la Tanzanie qui parle où on parle le Kiswahili. Alors ils n'ont pas compris. Alors l'appel c'est de pouvoir se lancer dans ces différentes compositions pour que cette première place, et même l'année prochaine, que le Burundi peut la garder. Le directeur du lycée Makamba, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang au téléphone. Le Burundi est passé de la 99e place en 2011 à la 10e place en 2013 en ce qui concerne l'indicateur sur la création d'entreprises pour le Doing Business mondial en 2013. Il garde le meilleur classement dans la région, tandis que l'indicateur de raccordement à l'électricité est le moins performant. Il est passé de la 151e place en 2011 à la 185e place en 2016, et cela sur 189 pays évalués par la Banque mondiale. Et c'est selon quelques-uns des points évoqués par Joseph Outore, le deuxième vice-président de la République, lors de la réunion de présentation du rapport Doing Business au comité décisionnel. Et le dit rapport va être soumis à l'évaluation de la Banque mondiale pour le classement des pays en se référant à l'amélioration du climat des affaires. Une famille dont l'enfant est hospitalisé au Rwanda pour des complications douloureuses au niveau de sa jambe demande aux âmes charitables de leur venir en aide pour ses soins. La mère fait savoir qu'une somme d'1 million de francs burundais peut suffire. Elle indique que ses soins ont été suspendus faute de moyens. Placide Niyomungere. Francine Nibizi est la mère d'Igiraneza Yvan, un jeune de 14 ans de la 7e année fondamentale. Sa mère indique que Yvan, de retour de l'école, a senti des complications douloureuses au niveau de sa jambe avant d'être admis dans différents hôpitaux. De retour de l'école, Yvan a senti des complications douloureuses au niveau de sa jambe, comme celui qui est électrocuté. Nous avons été admis dans plusieurs centres de santé jusqu'à l'hôpital militaire où nous y avons passé 2 mois et 2 semaines. En attente de la sortie de l'hôpital militaire, cette famille a eu l'information que la maladie que souffre Yvan sera traitée au Rwanda. Une pire situation à cette famille qui devait mobiliser les fonds pour son déplacement. Nous avons fait de longs parcours dans les marchés, dans les églises, à la recherche de l'argent. Nous sommes parvenus à collecter 800 000 pour son déplacement vers le Rwanda. Aujourd'hui, il totalise 2 semaines et 3 jours. Au Rwanda, la jambe d'Igiraneza Yvan doit être amputée, mais la caution a fait que tous les soins soient suspendus. Pour le moment, ce ne sont que des injections veineuses pour tenter de réduire des complications douloureuses dues aux inflammations au niveau de sa jambe. Son tibia a également été attaqué et sa jambe sera alors amputée. Faute de caution déjà épuisée, tous les soins ont été suspendus. Francine Nibizi, qui ne voit à quel sens se vouer financièrement, ne place le salut d'Igiraneza Yvan dans les mains des âmes charitables. Si on pouvait avoir au moins 1 million, peut-être, ça peut aller. À cet effet, je m'adresse à la première dame du pays. Qu'elle fasse comme elle le fait pour les autres. J'invite également tous les âmes charitables pour sauver la vie de mon enfant, Yvan Igiraneza. Pour plus d'actes charitables, Francine Nibizi, mère d'Igiraneza Yvan, qui habite le quartier Mutakura, 14e avenue, et sur le 79-886-960. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale au Royaume-Uni. Une attaque meurtrière à présent cancer a fait 22 morts ce lundi. Et la justice gambienne a décidé de frapper Yahya Jammeh au portefeuille. Et au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a annoncé un cessez-le-feu à partir de ce lundi. Le point avec Barthélémy Vitana. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a déclaré un cessez-le-feu unilatéral qui, selon lui, était effectif à partir de ce lundi. Salva Kiir a indiqué également qu'il va mettre en place un dialogue national en vue de trouver une solution à la guerre civile dans le pays. Toutefois, il précise que son rival Riek Machar n'est pas invité à ce dialogue. La BBC indique que ce n'est cependant pas la première fois que Salva Kiir s'engage à faire taire les armes depuis le début de la guerre civile en 2013, mais cela n'a pas pu se concrétiser sur le terrain. Au Royaume-Uni, une déflagration meurtrière à la Manchester après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Selon la RFI, le dernier bilan fait état d'au moins 22 morts et d'une cinquantaine de blessés. La première ministre Theresa May a rapidement dénoncé une effroyable attaque terroriste. La justice gambienne a gelé lundi les biens de l'ex-président Yahya Jammeh, soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil. Selon Jeune Afrique, cette décision concerne 88 comptes bancaires au nom de Yahya Jammeh. Juste après son départ, son successeur, Adama Barrow, l'avait accusé d'être parti en vidant les caisses du pays. Barthélémy Bitana, il est stagiaire à notre station. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez de bons moments avec notre station.